L'ambassade de la République populaire démocratique de Corée en Iran est construite nouvellement. À la cérémonie d'inauguration tenue le 3 août, on prit part Choi Hee-chol, vice-ministre coréen des Affaires étrangères, l'ambassadeur coréen en Iran Kang Sam-hyun et ses collaborateurs, ainsi que d'autres officiels coréens intéressés. Y ont été invités Ebrahim Rahimpour, vice-ministre iranien des Affaires étrangères, les personnalités du gouvernement municipal de Téhéran, des formations d'amitié et de la presse écrite et parlée, les officiels de la compagnie iranienne de bâtiments qui ont construit l'ambassade. Le vice-ministre coréen des Affaires étrangères Choi Hee-chol a dit dans son allocution que le gouvernement de la République populaire démocratique de Corée adhère à son attitude invariable pour le resserrement continu des relations stratégiques bilatérales établies et renforcées par le président Kim Il-sung et le général Kim Jong-il avec les dirigeants de haut rang iraniens dans la lutte commune pour l'indépendance anti-impérialiste. Le vice-ministre iranien Ebrahim Rahimpour a dit que le peuple iranien n'oublie jamais la Corée qui a aidé de tout son cœur et témoigné de la solidarité chaque fois que l'Iran traverse les difficultés et qu'il soutiendra invariablement la lutte du peuple coréen. Le même jour s'est tenu un banquet à l'ambassade coréenne.